La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui lundi, premier jour d'une traversée des mondes effrayants de l'écrivain fantastique américain Howard Phillips Lovecraft. Lovecraft, mort à 46 ans le 15 mars 1937, a connu une vie qui semble aussi brumeuse que l'atmosphère de bon nombre de ses romans, un sentiment stimulé par la sombre aura qui entoure celui que l'on a appelé le reclus de Providence et dont le regard fixe et perdu sur toutes les photos donne une impression, il est vrai, un peu glaçante. Toujours est-il que Lovecraft, nom qui n'est pas un pseudonyme et que l'on pourrait traduire très grossièrement par l'artisanat d'amour, a été justement un très grand artisan du récit classique d'horreur au XXe siècle, maillon essentiel dans une chaîne qui irait d'Edgar Poe à Stephen King ou à la fantasy d'aujourd'hui. C'est de lui que nous parlons toute cette semaine. Jeudi, nous reviendrons sur le mythe de Cthulhu, une créature et une histoire qu'il a inventée et qu'il reprend dans plusieurs de ses livres. Mercredi, il sera question de l'architecture et de la ville imaginaire chez cet inventeur de monde. Nous parlerons également des adaptations de ses œuvres au cinéma. Demain, enfin, nous vous proposerons une émission sur la vision politique, le rapport à la démocratie et le puritanisme chez l'écrivain américain. Et aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, comme chaque semaine, une émission à dominante biographique avec un admirateur de littérature fantastique, j'ai nommé François Bon, qui retraduit depuis quelques mois les récits de Lovecraft, c'est aux éditions du Seuil dans la collection Point, et il en est déjà à son 5e titre paru. François Bon, qui n'est pas le premier écrivain français à se passionner pour Lovecraft, loin de là. Avant lui, il y avait eu notamment Michel Houellebecq, un artisan lui aussi, mais du désespoir. Un peu pour ça que son cosmos est désespéré. Il n'y a aucune échappatoire. Les adolescents ne le lisent pas par masochisme, quoi. Bien que ce soit une littérature désespérée, il y a une espèce d'effet euphorisant, réellement. Une espèce de légèreté qui s'installe. Après une lecture d'un ou deux contes qui continue à prendre de l'ampleur, après lecture de trois ou quatre, enfin c'est très curieux. Il y a un effet très curieux et je me suis dit que il y avait vraiment un besoin de choses comme ça qui refusent carrément le monde dès le départ et qui construisent autre chose de complètement désespéré mais d'un désespoir pur. Michel Houellebecq qui parle ici de la lecture euphorisante qui serait celle de Lovecraft. Bonjour François Bon. Bonjour. Ça vous étonne pas un petit peu, vous, ce mot de euphorisant pour parler de la lecture des récits horribles de Lovecraft? Non, parce qu'on s'en moque un petit peu de ce qui est horrible, même si c'est bien d'avoir peur. Mais le petit livre de Houellebecq, pas loin de 20 ans maintenant, je crois qu'il est 95. Oui, tant que ça, oui, plus. C'est vraiment un essai magistral. Avant lui, il y a eu Maurice Lévy dans les années 70. C'est bizarre comme en France, comme ça, qui est en 10-18, que c'est un petit essai dont les Américains, qui a fait basculer même les Américains dans leur lecture de Lovecraft. Et le livre de Houellebecq se lit merveilleusement bien. Pour moi, c'est un de ceux qui m'ont fait glisser dans l'intérieur de ça. Même si, évidemment, maintenant, on en sait beaucoup plus sur le bonhomme et qu'on a des approches probablement moins psychologisantes. Alors vous avez un lien extrêmement fort avec Lovecraft. Vous lui avez, par le passé, consacré un site internet. Je crois qu'il est fermé aujourd'hui. Non, c'est toujours là. Enfin, ça fait 5 ans que je traduis Lovecraft, donc je dois être à 25, quelque chose comme ça. Mais il y a tout un tas de petits textes périphériques sur l'écriture, sur son rapport à Edgar Poe, sur les lieux et tout ça. Donc oui, pour moi, l'atelier est entièrement en ligne sur mon propre site maintenant. Et qu'est-ce qui vous euphorisait à ce point pour vous donner envie? C'est assez différent de tout le reste de votre littérature, tout de même Lovecraft, pour vous donner envie de vous plonger à ce point-là dans son œuvre. Euphorie, je sais pas. C'est, pour moi, ça s'est fait accidentellement, en fait. On était en bagnole dans le Rhode Island, on devait remonter sur Québec. Donc Rhode Island, où est né, hein, c'est l'état où est né Lovecraft. Ouais, en fait, c'était vraiment pour une intervention en fac en 2010. Et on a vu, on passait par Providence, on s'est dit on s'arrête. Hein. Et tout d'un coup, en cherchant ça, là où il écrivait, sur la colline, d'une part c'était très difficile, c'est-à-dire que la ville a honte de lui et l'ignore complètement. Et donc ça a été difficile de trouver la tombe, de trouver... Et immédiatement, pour moi, ça s'est passé sur une espèce de petit square qui a tout en haut de cette colline, qui est un endroit où Edgar Poe s'hébergeait à l'hôtel, parce qu'il était amoureux à Providence aussi, pendant 2 ans. Et ce square, Lovecraft venait y regarder le soleil tomber sur la ville, à l'endroit même où Poe venait aussi. Et tout d'un coup, j'ai pigé l'image que je m'étais faite de Lovecraft n'avait rien à voir avec le bonhomme. Et j'ai commencé à en traduire un, La maison maudite, pour comprendre. Puis bon, après, ça s'est enchaîné. Mais... Quand vous dites l'image, c'est l'image de vos lectures adolescentes? Oui, souvenir un petit peu terne de la phrase, alors qu'Edgar Poe, bon, le souvenir est tellement comme ça. Justement, ce que travaille Lovecraft, ces espèces de strates noires, ces choses superposées, ces choses extrêmement denses qui passent par la grammaire, et puis surtout l'articulation au monde. Quoi. C'est un fantastique, mais qui ne définit jamais ses figures, et qui par contre est extrêmement lié, comme ça, une sorte de dépli, en gardant la plus immédiate proximité avec ce qui lui est contemporain. Le téléphone, la radio, la voiture, l'imaginaire des fonds marins, par exemple la montagne de la folie, the mountains of madness, c'est vraiment une expédition antarctique imaginé, mais qui se base exactement sur celle c'est pas Perry, il faudrait que je révise, si c'est Perry, en 1928, qui était le premier à y aller avec des avions. Et donc on reprend exactement les articles du Times, puisque la transmission des images la télétransmission des images, c'était aussi quelque chose de complètement neuf. Et il se sert comme ça des mêmes figures, l'enfermement dans une crevasse, l'avion pendant 3 jours pendant une tempête. Et sur cette base-là, il fait exister une fiction. Mais tout de même, même après être allé à Providence, Lovecraft vous reste mystérieux. Vous dites que le premier mystère de Lovecraft, c'est d'abord lui-même. On a la chance que depuis 20 ans, il y a un personnage qui s'appelle S.T. Yoshi, et qui est son biographe, un Américain de... Biographe officiel, non. Rien, grand biographe. Un fou littéral à la manière de ces August Derleth ou de Lovecraft lui-même. Quelqu'un qui, depuis 20 ans, commençait par rééditer Lovecraft, commençait à exhumer tous ses documents, à faire à rendre plus complexe justement ses problèmes aussi de pensée identitaire, cette attirance de Lovecraft pour une pensée quasi raciste qu'il faut en même temps recontextualiser dans ce contexte d'après la Grande Dépression. Et maintenant, je pense qu'on connaît, puis en même temps, éditer les lettres. C'est-à-dire, actuellement, on en a à peu près disponible 5 000 à la John Hay Library à Providence. C'était un des plus grands. On estime qu'il y a au moins 30 000 lettres, plus les télégrammes, plus les cartes postales, etc., etc. Donc, on a un auteur qui est documenté quasiment de ses 24 ans à ses 46 ans, jour par jour. Donc, comme Kafka, comme Proust. Et tout d'un coup, on a un énorme chantier sur la gestion de l'écriture. Alors, on va même remonter avant cela, on va remonter à la biographie, à l'enfance de Lovecraft, qu'on a appelé, je le disais en introduction, le reclus de Providence. Ce qui est une aberration. Ce qui est une aberration, pour quelle raison? Parce que je n'ai jamais connu de type avec une telle bougeotte. À Providence, évidemment, il y est beaucoup à partir de 1926. Après ses 2 ans à New York, mais il pratique énormément la marche urbaine, même à Providence. Dès qu'il a une opportunité de partir sur Marblehead ou sur la côte, avec le moindre copain qui a une bagnole, il le fait. On a la trace de son baptême de l'air. Souvent... Vous parlez même des copains, alors qu'on a l'impression qu'il n'avait pas de copains. Les seules personnes avec qui il correspondait, c'était par justement lettres. Comment faire autrement à l'époque? Mais non, c'est quelqu'un d'extrêmement socialisé, comme Kafka aussi. Et toute sa vie, son implication dans le journalisme amateur, tout ça, ces trucs-là. Et même pour écrire, c'est souvent flagrant. Par exemple, on connaît, un jour, il se fait piquer son sac de voyage à Albany. Il y avait une ligne maritime qui revenait de Montréal jusqu'à New York. Parce qu'il se fait piquer son sac, du coup, on découvre ce qu'il y avait à l'intérieur, la lunette astronomique, les petits carnets, tout ça. Souvent pour écrire, par exemple, il a des combines, par exemple, de Providence. Si on prend le premier bateau qui va à Narragansett ou à Newport et qui revient le dernier, on peut y aller pour 25 cents. Donc, il va écrire au bord de la mer, comme ça, sur une écritoire. Il a des combines, comme ça, tous les ans. Il arpente, comme ça, il va 2 fois à Québec. Il fait 2 longs séjours en Floride. Il va explorer des grottes en Virginie, et il a cette espèce de combine de passer ses journées dans les villes et la nuit de voyager en autobus pour éviter de payer l'hôtel. Et comme ça, en général, de mars jusqu'à septembre, on a un Lovecraft migratoire. Maintenant, on arrive comme... Oui, mais d'ailleurs, quand il marche, par exemple, dans les rues de Providence, ce qu'il fait beaucoup, il le fait davantage à minuit qu'à midi. C'est quand même quelqu'un qui va dormir le jour. C'est très étrange son rapport au sommeil, parce que il dort 1 nuit sur 2, en fait. Là, cet été, à Providence, moi, c'était travailler comme ça sur ses... Il a tous les ans un petit diary, un petit agenda où il note avec précision ce qu'il mange, à quelle heure il mange, qu'est-ce qu'il lit, à quelle heure il lit, les heures qu'il passe à écrire. C'est un amour de la précision. Je pense que ça faisait partie de la culture épistolaire. Moi, mes grands-parents étaient aussi comme ça. Ces petits agendas, par exemple, étaient une conception extrêmement populaire. Tout le monde en avait. Et comme il s'en servait énormément ensuite pour écrire à ses 2 tantes âgées, par exemple, dans le séjour à New York, il le rencontre comme ça par lettre, ou à son épouse Sonia, qui a détruit toute sa correspondance avec lui. Je pense que ça lui servait aussi de matière pour ses lettres, quoi. Et jusqu'à 17-18 ans, c'était même pas un adolescent, c'était un enfant. Vraiment un enfant qui s'est efforcé de garder des jeux d'enfant, enfin des occupations d'enfant. Et d'un seul coup, vers 17 ans, il s'est aperçu que c'était plus possible, quoi. Il y croyait plus à ce monde-là, il s'y intéressait plus. Et il s'est ensuivi une léthargie à peu près totale, quoi, qui a duré 10 ans, en fait. Pendant 10 ans, il est pratiquement pas sorti de chez lui. Il a eu aucune activité, même pas écrire, rien, quoi. La léthargie. Michel Houellebecq, de nouveau, qui parle de la difficulté de sortir de l'enfance pour Lovecraft, François Bon, et pourtant, cette enfance, elle n'a pas grand-chose de bien réjouissant. Peut-être des choses qu'on, justement, on a pu réviser maintenant et qu'on connaît. C'est pas du tout une critique de Houellebecq, hein. C'est au contraire, parce que c'est vraiment ce bouquin est génial. C'est qu'est-ce qu'on sait de plus. L'interview est ancienne aussi. Hein. Ouais. Le rapport au grand-père. C'est une espèce de type qui a une espèce de rêve fou de fonder une ville à partir d'un barrage. Deux fois le barrage s'écroule, la ville disparaît complètement sous la flotte. Et c'est ce grand-père qui accumule cette énorme bibliothèque, vit dans une grande maison à Providence et à sa mort, avec la ruine aussi de cette espèce de chantier fou de créer une ville. La misère va s'installer chez les Lovecraft. Mais en même temps, dans ces 2 tantes, par exemple, sont mariées une à un journaliste, une autre à un médecin. Et ces 2 hommes vont être extrêmement décisifs pour sa formation littéraire. littéraire. Ce qu'on sait de plus aussi, par exemple, la passion pour la chimie et pour l'astronomie qui commence à l'âge de 11-12 ans. Donc quelque part, au contraire, plutôt active de ce côté-là, l'enfance. Par contre, ça le coupe de l'école et la famille décide qu'il se débrouillera à la maison. Et là, par contre, on a un vrai choc. Là aussi, on commence à connaître mieux. C'est au moment où ses copains entrent à la fac, ben, lui qui n'a pas eu ce système comme ça traditionnel, ne peut entrer en fac d'astronomie comme il le comptait. Et là, il y a cet épisode dépressif qui dure pas 10 ans, qui dure 3-4 ans, mais qui est quand même assez sérieux. En même temps, c'est une période où il tient au quotidien une rubrique d'astronomie dans le journal local. C'est le moment où il commence à publier tous ses articles scientifiques, mais effectivement, on n'est pas dans l'écriture littéraire. Par contre, cette formation à l'écriture scientifique, elle va déterminer en partie son passage à la fiction. Et c'est le moment où ensuite viendra la mort de la mère, où là, effectivement, il y a une grande crise, et il émerge de cette crise en auteur de fiction. Mais là encore, très, très progressivement, ça se passe dans cette association de journalistes amateurs qui se réunit à Boston. Donc au moins une fois par semaine, Boston, c'est à 50 minutes de Providence. Donc là aussi, il y a cette socialisation. Ils organisent des lectures. Ils reçoivent par exemple cet auteur anglais, Don Senni, qui est un modèle pour Lovecraft. Il va parler à Don Senni. C'est une sorte d'inventeur de la fantasy ou de... Fantasy, c'est quelqu'un qui est comme W.C. Chambers, ont été les premiers à utiliser cette idée de fausse cosmogonie. C'est-à-dire, on invente un système comme ça de dieux, de forces obscures en dehors de notre perception réelle. Et là encore, les premiers jeux que Lovecraft instaure avec Nyarlathotep et tous ces trucs-là sont vraiment décalqués de l'univers de Chambers et de Don Senni. C'est pas une invention radicale, c'est presque un premier décalque qui se glisse. Et puis tout de suite, ce qui commence là dans cette situation de journalisme amateur, c'est-à-dire comment on passe de là à la littérature. En ce moment, je lis au quotidien le New York Times de 1925, où par exemple, au bout de 6 mois, on en est à 4 occurrences du mot négro. Il faut vraiment qu'un type assène un coup de batte de baseball à Central Station pour qu'on parle des Noirs. Et on a dans le supplément littéraire du Times quelqu'un qui est reçu à l'Académie française. Il a une pleine page. Le livre qui fait gloire cette année-là, c'est la traduction de Anatole France en pantoufles. En même temps, des gens comme Hart Crane qui publie des livres sur le New York, le livre sur le Brooklyn Bridge de Hart Crane, qui maintenant est un classique. Ces types-là, on les ignore. Et commence cette espèce de destin de Lovecraft d'être un écrivain sans livre, quoi. C'est jamais quelqu'un d'aussi passionné de littérature, et en même temps, l'accès au livre sera posthume, et la publication magazine va être comme ça, va devenir un rouage essentiel à défaut. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, François Bon. Il y a quand même ce milieu sur lequel on pourrait revenir, qui est donc cette famille des ministres en ascendance, des juges, et une espèce de déclassement à un moment donné, symbolisé aussi par le déménagement d'une maison à une autre plus petite à Providence. Enfin, quand même un sentiment que bien qu'il soit WASP, bien qu'il soit blanc et descendant des colons anglais, eh bien, il se trouve déclassé comme ça dans sa ville de Providence. Ouais, là encore, faut faire attention parce que il s'est inventé lui-même. On a des justement qui tiennent aussi à ce truc d'écrivain sans livre. On a deux textes importants où il se fabrique comme ça lui-même sa biographie, et où il s'invente comme ça une espèce de lignée coloniale, alors qu'en fait c'est une histoire, j'allais dire, beaucoup plus ordinaire, beaucoup plus simple, à part ce personnage du grand-père. Et par contre, oui, il y a ce déchirement à l'âge de 11 ans de devoir vendre la maison natale, de prendre un appartement avec sa mère, et de ne garder que quelques livres, quelques objets. Je ne peux même pas donner l'ombre d'une idée de ce à quoi ressemblait cette chose, car elle était une combinaison horrible de tout ce qui est douteux, inquiétant, importun, anormal et détestable sur cette terre. C'était le reflet vampirique de la pourriture, des temps disparus et de la désolation. Le fantasme putride et gras des goutures d'une révélation pernicieuse dont la terre pitoyable aurait dû pour toujours masquer l'apparence nue. Dieu sait que cette chose n'était pas de ce monde, ou n'était plus de ce monde, et pourtant, au sein de mon effroi, je pus reconnaître dans sa matière rongée, rognée, où transparaissaient des os, comme un grotesque et ricanement travesti de la forme humaine. Il y avait dans cet appareil pourrissant et décomposé une sorte de qualité innommable qui me glaça encore plus. C'est très Lovecraft ce texte, François Bon. C'est du Lovecraft. C'est du Lovecraft, j'espère. Mais est-ce que ça s'en synthétise l'esprit selon vous ? Je ne suis pas quelqu'un qui est très attiré par l'idée de synthèse. Je pense que le chantier en ce moment là, entamé aux US, est, où on est vraiment dans une multiplication des approches. Par exemple, comment il assume cet héritage de Poe et Hawthorne, comment en même temps on a toute une lignée d'auteurs américains, je pense à Ambrose Bierce, qui sont des gens de terrain qui travaillent du fantastique comme ça, mais à partir de leur propre engagement dans la guerre civile, ce rapport comme ça aussi. Et donc, comment plutôt arriver à multiplier cette espèce de puzzle composite qui rend compte comme ça du destin d'un homme et précisément de cette espèce d'obstination. Oui, c'est un type qui reçoit $15 de temps en temps pour ses publications dans Weird Tales. Oui. Donc Weird Tales qui sont en fait des pulps, c'est ça, dans lesquels en fait il va publier tout ça. Sa vie, c'est des mots qu'il ne va pas publier de livres c'est... réellement. Non, jamais de livres. Mais il y a ces magazines qui commencent à proliférer comme ça au tout début des années 20. Il y a celui qui se lance comme ça sur des histoires de faux polars, il va tenter de faire du faux polar en même temps qu'il fait le nègre, comme on dit nous en France, le ghostwriter, comme pour le magicien Houdini ou des gens comme ça. Les personnes pour qui il écrit seront presque davantage connues que lui. Houdini, c'est quelqu'un d'extrêmement célèbre. Il y a lui, il y a une espèce aussi de tartuffe psychologue qui fait des livres en série. Et donc, Lovecraft, il gagne sa vie en rédigeant pour eux des histoires. C'est terrible ça quand même. C'est terrible, mais en même temps, il ne faut pas non plus le surestimer. C'est-à-dire qu'il y a tous ces types de 30 ans qui sont ignorés par l'establishment, ou en particulier le New York Times et tout ça, mais qui entre eux, quand même, ne cessent pas de se lire. Alors, évidemment, il n'est pas sur la même lignée que T.S. Eliot, il n'aime pas ça. Par contre, il va lire Faulkner, il va lire Conrad. Et dans ces 2 ans de New York, par exemple, c'est fascinant de voir... cette espèce de labo comme ça, ouais, d'invention. Parce qu'il va vivre 2 ans à New York, on va y venir. Donc pour vous, François Bon, c'était plus important d'être lu par ses pairs que de connaître une sorte de gloire publique pour Lovecraft? Gloire publique, tout le monde s'en tape. C'est pas la... Franchement, je crois que tout le monde s'en tape. Ce qui compte, c'est la littérature. C'est, on a affaire à des gens qui sont vraiment... complètement immergé dans cette passion de récit, quoi. C'est par exemple sur Providence, moi cet été, c'était ça qui était merveilleux, découvrir ces espèces de petits carnets qui sont pour l'instant très ignorés. J'ai même trouvé un qui a jamais été publié où il travaille sur la fabrique du récit, enfin ce qui presque une espèce de noyau de ce qui deviendra le creative writing, quoi. Par exemple, il pratique des exercices, il appelle ça des compressions, c'est-à-dire il prend du Edgar Poe, il les résume en 5 lignes, et puis il prend du Montague, Rod, James ou des gens comme ça, ou Ambrose Bierce, et il les réduit comme ça en 3-4 lignes. À partir de ce moment-là, on arrive à presque, comme en chimie, saisir une espèce de thème un petit peu. Il y a un cahier comme ça qui pour moi est complètement, qui a été extraordinaire et qui a jamais été vraiment publié de façon digne de ce nom. C'est pendant 15 ans, 1919 jusqu'à 1934, il note des idées de récits. Et il fabrique lui-même le petit classeur où il installe, il appelle ça le Commonplace Book. C'est pas vraiment traduisible dans la tradition anglaise, puisqu'on en a depuis le XVIIe siècle, c'est le carnet de citations. Des lieux communs, c'est ça? Pas vraiment, le livre c'est les choses qu'on garde pour utiliser. C'est un carnet de réemploi presque. Il faudrait ouais, l'atelier, quoi, la réserve, ces choses comme ça. Et là, on a 220 idées de fiction et on le voit littéralement au travail. Si on passe par l'idée du travail, là, on a vraiment un vivant qui émerge, quoi. On peut dire que Lovecraft est un auteur qui a pratiquement pas été lu en français de son vivant. Oui, pratiquement pas en anglais non plus d'ailleurs. Enfin, il est toujours resté dans des circuits amateurs essentiellement. Il y a eu quelques publications, surtout dans Weird Tales, qui était ce qu'on appelait un pulp magazine, quoi. C'est-à-dire une revue de gare en fait, une revue de bas étage avec... Des histoires d'horreur vraiment horribles, la plupart du temps, sans grand intérêt esthétique, quoi. Il n'a jamais eu de publication en volume de son vivant. Et en fait, il est mort, à la fois ignoré du milieu littéraire, ignoré du grand public aussi, qui ne lisait pas tellement les signatures, quoi, dans ce genre de magazine. Mais avec beaucoup de relations, enfin d'amis avec lesquels il a développé une correspondance, dont certains sont connus aussi. Enfin, il a beaucoup correspondu avec Clark Ashton Smith et avec Howard aussi. Bon, lui-même avait conscience d'être un ratage, enfin une conscience forte d'être un ratage. Il n'a jamais cessé d'avoir des doutes sur la qualité de ce qu'il écrivait. Lovecraft avait conscience d'être un ratage, dit ici Michel Houellebecq. Comment vous entendez, vous, cette phrase, alors 20 ans après, encore une fois? Wattel, je pense que là encore, on connaît mieux maintenant ce qui se passe autour de ces magazines. C'est pas vrai que c'est du bas étage. On n'est pas dans quelque chose de populaire. On est une espèce de petit laboratoire. Il y a aussi de la poésie. Je pense qu'entre eux, il y a toujours comme ça une très grande attention à qui publie quoi, reprend ce. Donc c'est plus, j'y vois plus maintenant dans Weird Tales une sorte de laboratoire. Je pense que Lovecraft a parfaitement conscience de la teneur et la valeur de ce qu'il développe du point de vue de la prose, c'est plus difficile parce qu'il faut intérioriser les échecs, les manuscrits refusés 10 fois, 20 fois, les mises en cause. Il y a certaines choses qui nous paraissent admirables, qui pour lui... C'est quand même une vie au-delà de la respectabilité bourgeoise. Enfin, c'est quand même une la littérature, la respectabilité bourgeoise, ça a jamais fait. Ça dépend quelle littérature. Cette littérature fantastique, quand même, ce caractère qu'on décrit, alors peut-être pas aussi reclus qu'on a voulu le dire, mais enfin, comme étant quand même attiré par les questions de longue durée, davantage que par le fantastique est la racine même de la littérature. Enfin, avec Poe et Hawthorne et gens comme ça, et là, elle est vraiment l'endroit où elle se constitue comme centre même du littéraire. Donc, il n'y a pas un côté faire du fantastique parce qu'on serait, on choisit une forme populaire à côté d'une forme, une forme majeure. Et je crois qu'il est vraiment conscient de travailler un espace de prose poétique où ce qu'il s'agit de travailler, c'est sur les limites du mental, les transferts de personnalité, la biologie du cerveau, la connaissance de monde, par exemple. Et pour moi, c'est là où il y a vraiment un champ de travail extraordinaire. C'est-à-dire, par exemple, en 1925, c'est la première année où les États-Unis envoient des bateaux sonder les eaux profondes avec des outils vraiment d'enregistrement, de capture, etc. Donc tout d'un coup, la Terre, qui n'a jamais été cartographiée, devient cartographiée en entier. Qu'est-ce qui se passe dans l'imaginaire? Qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce qui nous pousse à aller vers l'inconnu? Alors c'est ça. Il faut, à partir du moment où on connaît le monde tel qu'il est, il faut inventer des mondes... Et qu'est-ce qu'une connaissance plus approfondie déplace quand on sort comme ça ces énormes bestioles? En quoi se passe là une espèce de quelque chose qui se sécularise dans tout deuil de Dieu ou de s'aimer organisé et tout ça. Et là, dans Lovecraft aussi, pour moi, il y a ce chantier. L'étonnement et qui le rend pour moi formidablement moderne aussi, c'est que c'est pas un chantier individuel, précisément parce que le lieu de publication est collectif et qu'avec des gens comme Robert Howard, là, qui a inventé toute l'histoire de Conan le Barbare. Quand vous dites le lieu de publication, c'est quoi? Wartell, c'est magazine. Et ce Howard, par exemple, dont parlait Welbeck à l'instant, on invente ensemble, on réfléchit ensemble, on travaille ensemble comme ça sur des mêmes thématiques d'origine humaine, par exemple. Et ça, pour moi, c'est la façon dont émerge un auteur qui ne soit pas... Et il y a quelque chose de très symétrique chez Kafka dans ces relations comme ça de groupe. Qu'est-ce qu'on casse avec le grand auteur, la figure du grand auteur dans cette espèce de solitude comme ça. Et là, ça crée une manière d'écrire proprement américaine ? Non, ça crée une figure de l'auteur qui est auquel nous, je pense, aujourd'hui, on est très, très, très attachés parce qu'on est dans ce chantier-là aussi. On peut trouver chez Lovecraft et Kafka une manière collective, comme ça, de recherche et d'invention qui est beaucoup plus près de nous que, par exemple, le modèle proustien qui revaut chez Claude Simon et tout ça. Mais on est au même niveau, on est dans le même genre de bonshomme. Il n'y a pas quand même quelque chose qui vous étonne un petit peu dans la personnalité de Lovecraft quand, par exemple, quand Paul Cook, son éditeur, qui quand même, je pense, s'était renseigné, disait de lui qu'il ne s'était jamais vraiment humanisé. Je le cite, il était plus et moins qu'humain à la fois. Vous pour vous, c'est de la légende totalement. Non, c'est pas de la légende, mais on peut dire ça aussi de Proust ou Kafka. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Allez, on va continuer à parler de Lovecraft avec vous, François Bon. Mais tout de suite sur France Culture, c'est le moment d'En compagnie des revues. En compagnie des revues aujourd'hui, avec vous Valérie Toragnan, bonjour. Bonjour. Directrice de la revue des Deux Mondes. La revue des Deux Mondes qui place en une du numéro de juin une interview d'Elisabeth Badinter. Voilà, Elisabeth Badinter qui est l'invitée effectivement de notre dossier consacré aux femmes, à l'islam et à la République. Alors l'égalité entre les hommes et les femmes, la liberté individuelle et la laïcité semblaient être des valeurs acquises et incontestables de la République. Pourtant, voilà que ces fondamentaux sont ébranlés par l'irruption d'un discours pétri de relativisme culturel et qui assigne aux femmes des places différentes en fonction de leurs mœurs, de leur culture et de leur religion. Dans cette interview, Elisabeth Badinter revient sur l'histoire de cet universalisme né en France et porteur de l'égalité entre les sexes. Condorcet, le premier, s'exprime sur le vote des femmes au nom de l'universalisme, rappelle la philosophe. Quand on vote, c'est l'humanité en nous qui l'emporte. Ce qui unit hommes et femmes est plus important que ce qui les distingue. Or, continue-t-elle, de nos jours, le discours identitaire, tellement dangereux, refuse l'universalisme. La revendication de la différence l'emporte sur toute autre considération. Peu à peu s'est imposée l'idée qu'on n'avait pas à intervenir dans cette montée en puissance du religieux dans les quartiers. On n'a jamais vu la gauche, nous dit-elle, si soumise aux injonctions religieuses. Alors cela pose une question, qu'en est-il du féminisme islamiste ? Alors pour Elisabeth Badinter, c'est un oxymore et, je cite, une foutaise, une vilaine récupération politique. Caroline Forest, qui signe un article intitulé « Modernité trompeuse du féminisme religieux et sexiste », rappelle que l'émancipation des femmes a toujours été intimement liée à l'avancée de la sécularisation et donc à la laïcisation de la société. Sans elle, le droit au divorce, à la contraception ou à l'avortement n'aurait jamais vu le jour. Alors que, précise l'essayiste, à l'image du mot « islamophobie », le féminisme islamique est une arme sémantique pensée pour faire passer les intégristes pour des victimes du colonialisme culturel et les laïcs pour des racistes. Voilà, islamique, hein, pas islamiste, comme je l'ai dit. Absolument. Par erreur. Alors d'ailleurs, c'est pas la première tentative de faire passer de l'antiféminisme pour du féminisme, nous dit Caroline Forest. Dans les années 90, des militantes contre le droit à l'avortement se réclamaient elles aussi d'un féminisme religieux pro-vie. Elle disait vouloir aider la femme à retrouver sa vraie vocation naturelle, la maternité, et se revendiquait même d'un slogan utilisé par les nazis, l'émancipation de l'émancipation. Les antifascistes ont éclaté de rire et aucun journal de gauche n'eut l'idée saugrenue de les interroger pour le 8 mars ou de les présenter comme une forme nouvelle de féminisme. Et cette vision de la femme promue par le féminisme islamique, nombre de femmes musulmanes s'en désolidarisent violemment, comme l'écrivain Abnou Chalmani, né à Téhéran. Les islamistes, dit-elle, se justifient en comparant la femme à une perle précieuse qu'il convient de préserver dans son coquillage. Le coquillage, c'est le voile. La réponse, écrit-elle, que j'oppose à l'islam politique, c'est ma certitude inébranlable d'être plus heureuse en me réclamant de Spinoza que de n'importe quel dieu. En fait, la question des femmes, elle alimente plus que jamais, Valérie, les fantasmes de part et d'autre entre Orient et Occident. Absolument, et c'est ce qu'explique remarquablement bien Leïla Slimani dans son article « Résister aux fantasmes ». Les questions de l'égalité des sexes, de la liberté des mœurs et de la femme sont le nœud autour duquel viennent s'agglutiner les fantasmes que chaque camp nourrit sur l'autre. Le voile est ainsi devenu un étendard identitaire, le contrepoint à un Occident où, dans le fantasme collectif, les femmes sont dévêtues, offertes, faciles. En Orient, le corps de la femme doit au contraire porter haut l'identité musulmane. À travers lui se jauge l'honneur, l'image, la vertu d'un peuple, d'une famille, d'un État. C'est peut-être aussi pour ça, continue-t-elle, que le combat féministe est plus important que jamais, parce qu'il est l'un des derniers combats universalistes et qu'il porte en son cœur l'idée que la culture n'excuse pas tout. C'est d'un féminisme courageux et vraiment émancipateur dont nous avons besoin, pas de pseudo-progressistes qui utilisent les cultures comme cache-sexe de leur couardise et de leur impuissance. Alors ça c'est pour le dossier, Valérie, en deux mots. Quoi d'autre dans la Revue des Deux Mondes ? Un très beau texte inédit de l'écrivain Olivia Rosenthal. Elle revient sur ses rencontres autour des attentats terroristes de novembre 2015. Et on retrouve ses thématiques, comment on se libère de la souffrance, comment on trouve sa voix. Et puis aussi, en vedette de ce numéro de la Revue des Deux Mondes, un monstre. Frankenstein, la fiction de Mary Shelley, dont Michel Delon, professeur à la Sorbonne, a choisi de célébrer le 200e anniversaire. La force inentamée de cette fiction d'il y a deux siècles est de donner une forme esthétique à des interrogations toujours actuelles. Je cite « Un médecin genevois a voulu créer la vie sans Dieu et se passer de sexualité pour faire advenir un être nouveau. Il a pris sur lui de léguer aux générations futures des créatures qui échapperaient à toute maîtrise. Aujourd'hui, où nous nous demandons jusqu'où doit aller la procréation médicalement assistée et quand le progrès des manipulations génétiques s'inverse en barbarie, nous ne pouvons que nous retrouver dans le récit de cette jeune romancière anglaise de 19 ans, ces paniques intimes sont devenues nos débats politiques. T'aurais intéressé Lovecraft, François Bon, vous croyez, toutes ces questions sur Frankenstein, la manière dont on modifie le vivant. Mary Shelley, oui, bien sûr, mais pour lui, je pense que c'est moins, en me souvenant de comment il parle de Mary Shelley, c'est moins important que Baudelaire et Huysmans, par exemple. Merci beaucoup Valérie Toragnan de la Revue des Deux Mondes. Toujours la compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Lovecraft avec l'écrivain et traducteur François Bon. Lovecraft paraît appartenir à ce fantastique instinctif qui laisse la primauté à l'événement et non pas à l'explication, enfin à la pensée, à l'idée, et qui utilise des procédés classiques d'épouvante, c'est-à-dire des paysages sinistres, des vampires, des sorciers. Il y a beaucoup de sorciers ou de sorcières dans l'œuvre de Lovecraft, enfin c'est un fantastique qui nous est familier, très, très traditionnel. Mais en réalité, c'est que ces gens ont des motivations tout à fait différentes de leurs semblables du fantastique traditionnel. Ils sont des ambassadeurs, en général, de forces mystérieuses. Et également, le fantastique, disons, cultivé, inspiré, qui se différencie de l'autre, c'est que l'auteur exerce une certaine réflexion sur son œuvre, que n'exerce pas celui qui se borne à faire du récit d'épouvante. Encore que les récits d'épouvante instinctifs ont beaucoup de qualités. Mais Lovecraft, précisément, a cherché à ordonner son œuvre, et nous avons oublié d'en parler. C'est-à-dire qu'il y a une organisation de son œuvre, une espèce de conception qui préside, Le terme a été trop souvent employé, je n'en sais pas le prononcer ici, celui de comédie inhumaine. Mm-hmm. On l'a trop souvent dit. Mais en fait, ce sont souvent, non pas des mêmes personnages, mais des personnalités mythiques qui interviennent. Il y a ce qu'il appelle les grands anciens, qui ont précédé notre culture dans le monde actuel. Il y a Cthulhu, cette espèce de divinité horrible qui ressemble à certains démons bibliques, et qui apparaissent et qui inspirent des personnages humains ou qui les téléguident. Francis Lacassin, interrogé ici par Pierre Barbier en 1969, qui parle de fantastique instinctif, mais à la fois très littéraire. J'imagine que ça correspond à votre manière de voir. Il faut saluer Lacassin qui a fait cette énorme réalisation en 3 tomes bouquin là, d'une édition intégrale de Lovecraft, qui était basée sur les premières traductions de Jacques Papy. C'était il y a longtemps ça déjà, ce bouquin. Oui, bien avant, mais qu'il a repris et complété avec d'autres traducteurs, parce que c'était des traductions très... très simplifié. Et en même temps, je pense que là aussi, on a changé d'approche. Par exemple, moi, ce qui rapproche Lovecraft de Kafka, c'est la façon dont chaque narrateur, par contre, sont pris comme ça à cette vie ordinaire des villes, des universitaires, un technicien, un hydrologue, un étudiant en beaux-arts. Etc. Et pour moi, l'enjeu de traduction, peut-être était là. C'est-à-dire comment mettre en avant, comme ça, c'est des registres de langue qui sont tellement liés à celui qui les énonce, comme ça, qu'on se retrouve complètement dans cette espèce de ce qui les entoure directement avec la presse, la radio, la vie quotidienne, et que donc il n'y a pas des fantastiques comme ça qui seraient une espèce de Deus ex machina qui surgirait comme donc ça. Donc c'est la volonté de prendre un narrateur qui est très très humain. Le terme humain, faut le laisser. Nietzsche, justement, Lovecraft, c'était humain trop humain de Nietzsche. Ça, il connaissait aussi ça par cœur. Ça, j'ai mis un critère en littérature. C'est des techniques de narration qui permettent, comme ça, de rendre son étrangeté au monde le plus près et plus immédiat. Et ça, je pense que chez lui, c'est vraiment un travail. Ce que disait Lacassin là sur cette attention ou le nombre de textes que Lovecraft fait sur son propre travail, c'est vraiment une construction délibérée. Quoi. Comment rendre la fiction implacable. Donc, par exemple, dans La couleur tombée du ciel, il y a cet hydrologue qui va voir si on peut vous en parler un petit peu en début d'émission des ascendants de Lovecraft, parmi lesquels certains avaient cette idée d'inonder au fond une région pour faire un barrage. Ben, on le retrouve ça dans La couleur tombée du ciel. Typiquement, ouais, ça. Vous pouvez nous raconter d'ailleurs cette histoire. Ce type est là pour examiner comment, justement, dans ce barrage, qu'est-ce qui va être inondé de cette région, et tombe sur une espèce de lande un petit peu maudite, décolorée, où qu'on évite, on passe par des routes qui contournent cette espèce de zone, on prend plus la route qui la coupe directement. Il y a eu des morts, reste simplement un vieux bonhomme qui, lui, se rappelle de l'histoire et commence cette espèce de conversation entre les deux et ce récit d'un objet qui un jour est tombé comme un météore, mais directement une figure comme ça, et on le prend en laboratoire, on en prend des échantillons, cette matière est inconnue et simplement précisément émet une couleur qui n'est pas identifiable avec notre registre ordinaire des couleurs, et à partir de ce moment-là, c'est comment cette petite communauté mi-paysanne, mi-urbaine, confrontée à cet objet-là, ne voulant pas renoncer à sa terre, ne voulant pas accepter cet étrange monde, vont préférer accepter la mort un par un. Comme oui, ça, parce que c'est une couleur qui vous tue au fur et à mesure. Ça, Lovecraft s'inquiète pas tout ça, il nous fait exister comment se décomposent les arbres, comment se transforme le comportement des bêtes, comment un enfant qui va continuer de boire au même puits va finir par... un puits contaminé par cette couleur. Ouais, simplement, bon, on va perdre sa force vitale. Et donc, on arrive comme ça à poser quelque chose qui nous fascine tous, parce qu'on se retrouve dans notre... malaise le plus quotidien, quoi, ce qui peut se déplacer ou se changer autour de nous. Quoi. Mais c'est beau cette idée d'une couleur inconnue. Il y avait un rapport de Lovecraft avec l'image, avec la peinture. Il cite d'ailleurs dans certains de ses récits des peintres russes aux couleurs étranges, ouais. Et hallucinantes et hallucinées aussi. Ouais, enfin, tout ça mérite d'être regardé. Je pense que sa fascination est plus scientifique qu'artistique. Par exemple, la musique, pour lui, n'existe plus, mais c'était pareil chez Julien Gracq, par exemple, qui a eu un drôle de rapport, lui, avec Auguste Derles. Comme ça, c'est bizarre, on a des espèces de jonctions comme ça. Oui, Derles, ça étrange. Quelqu'un qui a popularisé. Derles, c'est un gars qui habitait à Wisconsin, Madison, dans le Wisconsin, donc très très loin, qui n'a jamais connu Lovecraft, qui l'a seulement correspondu, mais qui s'est mis en tête d'assumer son propre destin d'éditeur après la mort de Lovecraft en publiant ses textes, donc qui était le premier à les rendre publics, mais en même temps en greffant là-dessus ses propres histoires, en induisant ce qui est à la fois pour moi une ambiguïté formidablement belle de Lovecraft, c'est-à-dire qu'il y a ce cœur d'œuvre et puis il y a toutes ces histoires qui reprennent comme ça, c'est genre Toulouse, tout cette espèce de cosmogonie pour en faire comme ça une espèce de chose qui se propage par ce qu'on appellerait aujourd'hui la fan fiction, c'est le merveilleux développement aussi dans ce jeu de rôle, l'appel de Toulouse aussi, qui est un des plus anciens jeux de rôle et qui continue d'être un moteur, et donc quelque chose qui va se développer par les bords. C'est-à-dire qu'on s'approprie ces mythes, en fait il met à disposition des histoires comme des genèses d'un type justement dont on fabrique un petit peu comme là encore le portrait de Franz Kafka, quelqu'un qu'on identifie à ses personnages, alors qu'a priori ce type-là il est comme nous tous. Vous voulez dire que Lovecraft n'en semblait pas. Il écrit, il parle, il téléphone, il voyage, il se passionne pour ses objets, il a ses problèmes de godasse et de mal aux pieds, et tous ces trucs-là, et il aime la glace à la vanille un petit peu trop, et les haricots. Mais en fait, il ne mange quasiment que ça. Il ne mange que de la glace à la vanille. Il n'a pas trop le choix vu ce qu'il gagne, le pauvre. Mais ce que je veux dire, c'est que la figure mythologique de Lovecraft lui-même va être certainement plus forte que celle d'Orthulou, tout cette espèce de cosmogonie qui c'est l'invente. Ça qui a porté son œuvre quand même. Ça c'est justement porté, ce personnage. Et en même temps, en la laissant un petit peu disparaître au milieu, quoi. Et comment ça s'est fait selon vous? Qui est-ce qui a porté cette fausse mythologie alors? Ben justement, c'est la façon dont Auguste Derles a permis qu'elle soit publiée. La question aujourd'hui, c'est moins d'en sortir là. Qu'est-ce qui est passionnant? Par exemple, ce type qui commence en 1922 à écrire et qui écrit en gros pendant 15 ans, comment voir les récurrences, comment les histoires brèves peuvent être comme ça des espèces de noyaux, comment elles-mêmes se greffent d'après des choses qu'ils découvrent poétiquement. Par exemple, ce qui est fascinant dans la correspondance, c'est comment il transcrit énormément de ses rêves, mais comment des rêves, il les élague, il ne garde plus qu'une toute petite idée qui peut être plus récurrente, plus abstraite. Parce que ça, c'est une technique dont il parle, partir de ses rêves. Ouais, pour moi, c'est le grand continent. C'est une des choses comme ça. Mais dans la correspondance, on a beaucoup de rêves qui sont racontés. Et en même temps, comment il passe de la figure répétitive du rêve à l'histoire qui va symboliser cette obsession. Les personnages d'une histoire sont essentiellement des projections de nous-mêmes. Et à moins qu'ils ne partagent notre propre ignorance et notre émerveillement à l'égard des événements, ils constituent un handicap inévitable. Un bon récit interplanétaire doit posséder des personnages humains réalistes. Et non pas les savants modèles, les assistants traîtres, les héros invincibles et les jolies héroïnes, filles des savants, de ce minable répertoire. En effet, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait le moindre traître, héros ou héroïne. Ces personnages types sont entièrement artificiels et n'ont pas leur place dans aucun récit. Il n'est besoin d'aucun cliché romanesque. On ne doit choisir que des personnages pas forcément vaillants ou fougueux, jeunes, beaux ou pittoresques, impliqués de façon naturelle dans les événements décrits et qui se comportent exactement comme des personnages réels le feraient si elles étaient confrontées à ces situations extraordinaires. Le ton général doit être le réalisme, non le romanesque. Howard Philip Lovecraft, note sur le voyage interplanétaire. C'est avec des textes comme ça qu'on se rend compte, François Bon, de la manière dont il réfléchissait, presque de la manière dont il théorisait l'écriture fantastique. Et encore, celui-là, c'est un texte publié, mais dans ses carnets, on a énormément comme ça de... de notes sur, par exemple, sur l'écriture du scénario. Par exemple, faire deux scénarios, un qui concerne la suite des événements réels et puis un autre, la suite des événements dans le récit. Comment on gère la première rédaction et le passage ensuite à la dactylographie, etc. Et ce qui est fascinant dans ces lettres, c'est aussi, j'allais dire, toute cette économie de l'écriture. Il y a une histoire qui me fascine comme ça, une qui s'appelle « he », tout simplement. Bon, j'appelle le pronom, quoi, le pronom. Est-ce qu'on met « il », est-ce qu'on met « lui » ? Moi, je l'appelle « lui » pour l'instant, mais « il » serait presque plus justifié. C'est vers le milieu de son séjour à New York, donc ils ont toujours marié avec Sonia, mais qui à l'époque vivait... On n'a pas dit qu'il s'était effectivement marié. Alors moi, j'ai envie de dire dans un désir de se normaliser, il prend une femme. Vous n'êtes pas d'accord, du coup. Là encore, on est forcé de. Enfin, c'est quelque chose qui est très compliqué. On a donc c'est une émigrée juive qui partage d'ailleurs presque la même histoire que Bob Dylan. Et un petit peu plus âgé que lui, qui rêve d'écrire, plus, ouais. et ils se rencontrent. Ils sont tous les deux assez âgés. Lui, il a 35 ans, elle doit en avoir 40 ou 42. Mais en même temps, ils se rencontrent à Boston, comme ça, dans ces trucs de journaliste amateur. Lui, il l'aide à écrire. En même temps, il n'y a pas d'ambiguïté. Il ne changera pas quoi que ce soit. C'est pour Lovecraft, la vie sexuelle est effectivement quelque chose qui ne semble pas... Il n'y en a pas. Une préoccupation première. Il y a très beau récit de Sonia sur la première fois qu'elle l'embrasse sur la joue. Et quand il saute en l'air, il dit que même sa mère ne lui a jamais fait ça. Mais bon, ça, c'est un petit peu le folklore, mais c'est avec elle qu'il se retrouve comme ça à New York, avec une femme qui est une chef d'entreprise, qui est une styliste de mode, qui occupe qui a aussi largement de quoi les entretenir au début. Et puis, en même temps, elle doit partir à Chicago. C'est à un moment donné se re-rancrer comme ça dans sa coquille. Et puis, ensuite, à mesure ça lui convient très bien. Il est homme marié. Il préfère à la limite qu'ils soient séparés. Ça l'arrange. Ça l'arrange. Tout en même temps, c'est pas si facilement tranchable que ça. Et quand ils divorceront quelques années après, il se débrouillera pour ne pas finaliser le document. Et quand la pauvre Sonia voudra se remarier en Californie, elle découvrira qu'elle est bigame depuis 10 ans. Bon, peu importe. Cette nuit-là, il marche à pied dans Greenwich Village, Bleecker Street, tout ça, pendant toute la nuit. Au matin à 5h, il prend le premier ferry pour aller à Staten Island. De là, il prend un bus qui traverse Staten et il se retrouve à un autre ferry. Il se retrouve à Elizabethville, une espèce de bled du New Jersey, où il rêvait pendant un temps même de s'acheter une maison avec Sonia. Et là, il achète un carnet à 10 cents. Il s'assoit dans un parc et de 7h à 11h du matin, il écrit sans discontinuer cette histoire qui fait une trentaine de pages. Et dans laquelle on a comme ça une espèce de fulguration du New York autrefois, du New York au présent et d'une espèce de vision futuriste de New York avec c'est le moment où on construit l'Empire State, c'est le moment où on rêve de passerelle au 10e étage qui relierait comme ça. Et donc on se retrouve avec des textes qui sont extrêmement politiques, extrêmement urbains, qui sont en même temps une espèce de naît comme ça, une espèce de refus structuré du moderne. Donc c'est vraiment des textes ateliers. Et en même temps il y a ce basculement donc vers 1924 où quand il arrive à New York, il a son Kodak et il passe avec ses copains, ils se font des expéditions de photos sur les chantiers de gratte-ciel. Et vous êtes venu avec votre réflexe qui est posé sur la table de ce studio. Et en même temps, il y a petit à petit une espèce de prise de distance et de justement ce qui sera votre émission de demain, mon cher, sur la fabrique de la pensée identitaire, comme ça, de refuge dans l'Amérique coloniale, justement de se fabriquer aussi une espèce de biographie inventée dérivant d'une longue lignée anglaise. Ça, pour nous, ça reste un mystère. Pour moi, là, ce qu'on a littéralement, c'est pas un truc anti-noir. On est vraiment dans cette espèce d'Allemagne de 1929, des USA, juste après la Grande Dépression, pour qui Mussolini est un repoussoir, c'est le fascisme, et en même temps la solution populiste de l'Allemagne est un modèle jusqu'en 1934. En 1934, ça bascule. Aujourd'hui, les USA n'ont pas fait le chemin d'examen intellectuel de ce qui se... De, pas de, oui, de... même de fascination pour ce qui n'est pas encore l'hitlérisme, mais qui est quand même figuré par l'accession au pouvoir d'Hitler. Il se trouve que Lovecraft est mort en 1937, et donc tout ça garde des traces que lui n'a pas... Il est mort très jeune. Un cancer de l'intestin grêle qui est à la fois très rapide et en même temps dont on voit aujourd'hui il se soignait pas, de toute façon il avait pas de fric pour tout ça, et mais qui donne des, on pense aujourd'hui par exemple, c'est ce truc un petit peu curieux, que depuis 2 ou 3 ans les symptômes de ça se traduisaient par de l'hypothermie. Alors on voit ce gars effectivement qui dans les lettres ne supporte pas de manger, ne supporte plus, bon peut-être qu'aujourd'hui... Qui reste chez lui parce qu'il a froid dans ce climat aussi de la Nouvelle-Angleterre qui n'est pas très facile. Non, il se balade toujours, mais non, il a toujours cette bougeotte par contre. Merci beaucoup François Bon de nous avoir éclairé à la fois sur la biographie et puis surtout sur votre Lovecraft à vous. Tout de suite sur France Culture, la poésie. C'est le moment de retrouver Jacques Bonafé qui lit toute la semaine des extraits de poèmes arabes. Aujourd'hui, premier jour, divagation du Diwan. Bonjour. Lorsque les ténèbres grandissent et s'obscurcissent les étoiles, quand les hiboux sur les branches crient de frayeur et les dormeurs sont arrachés au sommeil par les soucis, déterminé, je brave les interdits. Si tu parviens à rassembler l'intelligence du cœur, l'épée tranchante et la bravoure, alors tu échappes à la tyrannie. Si une puissance dont le pouvoir absolu se soit exercé d'une manière continue avec une autorité souveraine et souvent tyrannique sur les Arabes de toute origine et de toute condition, savants ou naïfs, belliqueux ou paisibles, sceptiques ou exaltés, c'est bien la poésie. Reine majestueuse et confidente, attendrie, inaccessible, et oh là la poésie ondoyante, réalité hors d'atteinte, exaltation de nos vertus, imagination des fils du désert, forêt merveilleuse des formes, caractère incantatoire, magie des commencements, insufflée par la voix humaine, tâche sublime, ce sont des mots de René Kawam qui fait la préface et établit cette anthologie, la poésie arabe parue chez Libretto. Nous utiliserons ces mots comme fil tout au long de la semaine sur la poésie arabe. Avoir faim de la beauté du monde, tel est l'état qui permet la naissance du poème, dit le poète syrien Adonis. Ce monde, dès son commencement, n'a même pas éteint ma soif. La langue arabe est un outil merveilleux pour l'expression poétique. Seuls sur le papier apparaissent les consonnes, tandis que les voyelles invisibles symbolisent le souffle de vie qui vient animer chaque corps, la couleur qui lui prête forme et relief. Adonis encore, hier une souris a creusé un trou dans ma tête perdue. Peut-être aimerait-elle y habiter, peut-être voudrait-elle y posséder chacune de mes errances, peut-être rêverait-elle d'y devenir une idée. Poème, poésie en arabe, shir. Oh, bon, je sais pas le dire, mais ça se dit au masculin, alors que nous avons eu l'élégance, nous, de féminiser la poésie. Le supplément d'âme insufflé par la voix humaine, ce caractère incantatoire accordé à l'antique magie des commencements, shir. La poésie est une tâche sublime, sacrilège aux yeux de certains religieux extrémistes, nous dit René Kawam. Voici « Sagesse » d'Al-Mutamid ibn Harbad. Abreuve ton cœur, il guérira, et vis ta vie, elle s'en va déjà. Devrait-elle durer 1000 ans plein, que je ne pourrais en être là? Vas-tu t'affliger jusqu'au trépas, quand le luth et le bon vin sont là? Résiste à l'assaut de tes tourments, la coupe est une épée, brandis-la. La raison te noie dans tes soucis, le sage est celui qui ne l'est pas. Al-Mutamid ibn Harbad. Laissez-vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare. Jacques Bonafé lisait des extraits de poésie arabe dans La Compagnie des Auteurs. Point d'orgue à une émission consacrée aujourd'hui à l'écrivain fantastique américain Howard Phillips Lovecraft, dont nous allons parler jusqu'à jeudi. Mon invité d'aujourd'hui était l'écrivain et traducteur François Bon, dont je vous recommande chaudement les traductions de plusieurs récits de Lovecraft, que ce soit La couleur tombée du ciel, Le mythe de Cthulhu ou encore Dagon et autres récits d'horreur. Tout cela est disponible dans la collection Point. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site internet de France Culture ainsi que toutes celles depuis le début de notre émission, en attendant demain et un numéro plus précisément consacré à la politique et à la question du puritanisme chez Lovecraft. Ce sera avec les spécialistes de ces questions, Jackie Ferjot et Cédric Monger. Cette émission était réalisée par David Jakubowicz. À la console, il y avait Anthony Thomasson. Merci à Pascaline Bonnet, Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost et Sophie de Lombarès, sans que cette émission ne pourrait avoir lieu.